Revenir se dit zurückkommen. Zurückkommen. Zurückkommen. Comment diriez-vous il revient bientôt? Er kommt bald zurück. Bald, c'est bientôt, oui. Donc, er kommt bald zurück. La particule zurück est accentuée à l'oral et donc elle est suffisamment forte pour se séparer du verbe. Er kommt bald zurück. Comment dit-on essayer? Versuchen. Versuchen, oui. Ou faire n'est pas une particule séparable car on ne dit pas versuchen mais versuchen. Sachant cela, comment diriez-vous j'essaye? Ich versuche. Ich versuche. Et j'essaye de le faire? Ich versuche es tun. Es de le faire? Es zu tun. Bien. Ich versuche es zu tun. Et maintenant, comment direz-vous j'ai essayé de le faire? Si vous avez une particule non séparable, comme faire, lorsque vous plongez dans le passé, vous n'employez pas ge, g-e. Versuchen devient versucht. Donc, j'ai essayé de le faire se dit ich habe versucht. Bien. Ich habe versucht de le faire. Es zu tun. Bien. Ich habe versucht es zu tun. Le verbe suchen, chercher, donne gesucht. Comme dans ich habe gesucht. J'ai cherché. Tandis que versuchen ne donne pas vergesucht, mais versucht. Donc, pour un verbe à particule inséparable, comme c'est le cas de la particule faire, vous abandonnez ge, g-e, lorsque vous plongez dans le passé. Tandis que pour un verbe à particule séparable, on a besoin de ge. Prenons par exemple le verbe anfangen, commencer, qui contient fangen, attraper. La particule an de anfangen, qui est accentuée, est suffisamment forte pour se séparer du verbe. Comment diriez-vous nous commençons? Wir fangen an. Wir fangen an. Et à quelle heure commencez-vous? Um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? Fangen Sie an? Bien. Um wie viel Uhr fangen Sie an? À quelle heure commencez-vous? À quelle heure commencez-vous d'habitude? À partir de Gewohnheit, on obtient gewöhnlich, qui signifie à la fois habituel et habituellement. Donc, comment diriez-vous à quelle heure commencez-vous d'habitude? Um wie viel Uhr? Bien. Um wie viel Uhr? Fangen Sie? Fangen Sie? D'habitude? Gewöhnlich an? Bien. Um wie viel Uhr fangen Sie gewöhnlich an? Quand on plonge dans le passé de fangen, on trouve gefangen. Alors, comment diriez-vous cela a commencé? Es? Es hat? Bien. Es hat? Es hat angefangen. Es hat angefangen. Es hat angefangen. Au passé, la particule séparable an est collée à gefangen. Donc on obtient angefangen. Es hat schon angefangen. Cela a déjà commencé. Aller se dit gehen. Gehen. Lorsqu'on plonge dans le passé de gehen, on trouve gegangen. Gegangen. Comment diriez-vous il est allé? C'est un verbe de mouvement et vous devez utiliser le verbe être pour plonger dans le passé, comme en français. Donc, il est allé, er ist, bien, er ist, et maintenant, plonger, gegangen, gegangen, oui, er ist gegangen. Et s'en aller se dit weg, weggehen. Weggehen, oui. Et donc, il s'est en allé. Er ist weggegangen. Bien. Er ist weggegangen. La particule séparable weg est collée à gegangen. Et nous nous sommes en allés. Wir sind weggegangen. Wir sind weggegangen. Bien.